8. Droits d'auteur et brevets, des monopoles troués. Lu par Yann G. Droits d'auteur et brevets, des monopoles troués. L'être humain est un incorrigible copieur. Ainsi, ces millions de gens qui ont la fâcheuse habitude de chanter sous la douche, et sans vérifier, cela va sans dire que la ritournelle choisie est tombée dans le domaine public. Question. Est-ce légal, ou faut-il illico envoyer la police arrêter ces pirates de salle de bain? Un bon réflexe par les temps qui courent est de se saisir du code de la propriété intellectuelle pour passer au tamis cette situation banale et vérifier si elle est coupable. Le droit d'auteur, depuis la fin du XVIIIe, s'accroche à deux notions. Deux droits exclusifs accordés au créateur. Le droit de reproduction et le droit de représentation. Ce sont ces deux droits, dits patrimoniaux, qui s'éteignent 70 ans après la mort de l'auteur, au moment où l'œuvre rejoint le domaine public. Mais dans l'intervalle, il s'agit de les respecter et seul l'auteur peut donner son aval. 1. Un droit de reproduction, défini comme la fixation matérielle de l'œuvre par tout procédé qui permette de la communiquer au public d'une manière indirecte. Elle peut s'effectuer notamment par imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique ou magnétique. Aucun problème dans le cas de nos chantonneurs et de nos siffloteurs, puisque aucune copie n'est en jeu dans cette affaire. 2. Un droit de représentation, défini comme la communication de l'œuvre au public par un procédé quelconque. Procédé quelconque? Récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, projection publique, et même télédiffusion. Autant dire, par tous les moyens passés, présents et à venir. Mais la douche? S'il y a bien exécution lyrique, ce qui est flatteur, on peut douter du caractère public des vocalises humides. À moins qu'un membre de la famille ou un camarade de passage ne s'avise de se brosser les dents dans la même salle de bain pendant cette séance musicale. Dans ce cas, la loi est claire. Il y a bien communication d'une œuvre protégée au public, même si ce public est en l'occurrence une personne en robe de chambre, la bouche pleine de dentifrice, et plutôt agacée de vous entendre étrier que je t'aime. Ou voilà pirate, coupable de contrefaçon et susceptible d'être condamné à 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Un cauchemar? Heureusement, il n'en est rien. Le législateur, sans doute lui-même serein d'appartement, a prévu de borner le droit exclusif des auteurs. La loi précise bien que, une fois l'œuvre divulguée, l'auteur ne peut interdire les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle de famille. Pas de panique non plus si aucun lien de sang ne vous lie au public en question. La formule délicieusement surannée, cercle de famille, s'étend depuis belle lurette comme englobant les amis, les proches ou les amants de passage. On relèvera que le législateur n'a pas la même permissivité pour ceux qui se hasarderaient à siffloter dans un lieu public. Bienvenue au pays des exceptions au droit d'auteur, royaume de l'article L125 du Code de la propriété intellectuelle. Les droits d'auteur sont limités dans le temps. Certes. Mais cette propriété, que l'on voudrait nous faire avaler comme un équivalent de la propriété physique, est décidément bien trouée. En France, ce sont ainsi 7 exceptions qu'énumère la loi. La représentation dans le cercle de famille, mais aussi le droit de courte citation, dont on use sans restriction dans ce livre. La parodie, et même la représentation d'œuvres dans des catalogues de vente aux enchères. Autant de cas où la copie est légale et le copieur échappe à la piraterie. Ces limites posées par la loi aux prérogatives des titulaires de droit n'ont rien d'anecdotique. Il suffit d'imaginer un monde où le droit d'auteur serait absolu et seulement borduré par l'entrée dans le domaine public des œuvres. L'absence de l'exception, salle de bain, aurait pour conséquence de prohiber toute écoute d'un disque, même dans un appartement. Faudrait-il alors interdire les enceintes et rendre obligatoire l'écoute au casque? Quant à l'exception de courte citation, sans elle, ce livre n'existerait pas du tout. Il aurait fallu demander à chaque auteur ou à ses héritiers, l'autorisation de le citer. Certains auraient refusé, arguant du peu d'intérêt qu'ils portaient à l'ouvrage. D'autres auraient demandé de l'argent en échange. Mais on imagine plus généralement ce que cela implique. Aucun commentaire de texte? Aucune analyse? Aucune critique littéraire s'appuyant sur le texte lui-même? Un monde à la Big Brother, où les œuvres nous parleraient toute la journée, sans que jamais nous puissions en parler? On commence à le voir. Les caractéristiques propres à la culture et à la connaissance rendent de fait absurde l'application d'un droit de propriété, singeant la propriété physique.